Bonjour à toutes et tous, Karine Pétel au micro, bienvenue pour cette nouvelle émission du Grémos du mercredi 14 mai 2025. Dans le cadre de la série consacrée au 80e anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie et de la fin de la guerre, nous vous proposons aujourd'hui d'évoquer le retour des emprisonnés au printemps 1945 à partir des archives et à partir d'extraits de journaux. Et pour aujourd'hui, je serai accompagnée par Caroline Costil et Jean-Michel Stenner. Bonjour à vous. Bonjour Karine. Bonjour Karine, bonjour Caroline. Bonjour Jean-Michel. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre sans papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis née pour te connaître, pour te nommer. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis née pour te connaître, pour te nommer. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux, sur le moulin des ombres, j'écris ton nom. Sur la mousse des nuages, sur les sueurs de l'orage, sur la pluie épaisse et faible, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis née pour te connaître, pour te nommer. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis née pour te connaître, pour te nommer. Liberté, je suis née pour te connaître. Liberté, pour te nommer. Liberté, liberté, liberté, je suis née pour te connaître. Liberté, pour te nommer. Liberté, pour te connaître. Liberté. Liberté. Vous êtes bien sur Radio Dio 89.5 dans l'émission du Grémos consacrée au retour des emprisonnés de guerre au printemps 1945. Et vous venez d'entendre les Frangines interpréter le poème de Paul Éluard, Liberté. Cette liberté tant attendue depuis près de 5 ans qui va provoquer un immense soulagement. N'est-ce pas Caroline ? Tout à fait. Un énorme soupir de soulagement poussé par des millions d'hommes enchaînés monte du Reich, devenu l'enclume sur laquelle se forge la destinée européenne. La citadelle brune se lézarde et s'effondre. Déjà, par des brèches, une foule de prisonniers et de déportés se glisse. C'est la première vague du mascaret humain qui bientôt se répandra vers les quatre coins de l'Europe. Enfin, l'heure de la grande relève vient de sonner pour nos prisonniers de guerre captifs de la première heure. Ils devaient avoir le triste privilège de voir, en 5 ans, les camps de prisonniers et de déportés poussés sur le sol allemand comme des champignons. Ils devaient voir sur les flancs de chaque cité industrielle se greffer une agglomération de baraques, grandes comme une ville, où chaque soir la chiourme nazie parquait ses esclaves. Merci Caroline pour cet extrait d'un article paru dans Le Patriote de 31 mars 1945. Karine, peux-tu nous lire la première liste des prisonniers dont le retour est annoncé le 14 mars 1945 dans ce même journal, Le Patriote ? Oui, je vais vous lire cet article. Ils reviennent. Mardi 13 mars sont arrivés en gare de Château-Creux 5 prisonniers de guerre et 2 travailleurs déportés, tous libérés par l'armée alliée. Il s'agit de prisonniers de guerre. Tournon Joseph, Stalag 6, G, commando 478, habitant à Marcou, Firminy. Ce commando, qui comprenait 18 hommes, a été entièrement libéré. Héritier Marcel, Stalag 12, D, commando VA, d'Estivareil, pardon, dans la Loire. Charouin, pierre, stalag 6G, KO 504 de Dunière, Haute-Loire. Cuoc, Louis, stalag 12, D, commando 502, habitant 10, faubourg de Couzon, Grand-Croix. Fouchegu, Augustin, stalag 6J, commando 704, 12 rue de Chavassieux à Saint-Étienne. Travailleur déporté, Rampon-Rémy, 91 rue de Roanne, Saint-Étienne. Panro-Joseph, au 5 chemin Terre-Noire. Merci Karine. C'est donc à partir du 14 mars 1945 que le journal Le Patriote publie cette rubrique « Ils reviennent », recensant les noms, les prénoms, les camps, les adresses des prisonniers qui reviennent, complétées par des informations portant sur les droits des prisonniers de guerre. D'abord quotidienne, la fréquence de cette rubrique se raréfie pour disparaître à l'été 45 et laisser place à des messages parfois personnels de la Maison des prisonniers ou du Mouvement national des prisonniers de guerre et déportés. La liste va jour après jour enfler ainsi. Et il y a exactement 80 ans, le 14 mai 1945, le Patriote annonçait 86 retours de prisonniers. Alors Jean-Michel, de quels prisonniers parle-t-on ? Prisonniers de guerre, déportés, travailleurs ? Prisonniers de guerre et travailleurs déportés, ou plutôt, comme on dit au départ, requis du STO, sont les cas les plus connus par l'opinion, alors que, en fait, la situation va s'avérer bien plus complexe. Je peux dire qu'on peut relever 5 cas de figure. D'abord, les prisonniers de guerre, c'est les plus connus, soldats et officiers capturés lors de la débâcle de l'armée française. Entre l'offensive allemande du 10 mai 45 et le 25 juin 1940, date de l'entrée en vigueur de l'armistice entre la France et l'Allemagne, 1 800 000 Français ont été faits prisonniers, enfermés dans des frontlags, les camps à proximité du front, en Belgique et en France. Puis transférés à pied, le plus souvent, vers les camps de prisonniers du Reich. Au final, 1 600 000 hommes, car il y en a eu quand même un certain nombre qui se sont évadés. Ils sont enfermés soit dans des stalags, camps de base ou camps ordinaires pour les prisonniers de guerre, pour les hommes de troupes, et les oflags, camps destinés aux officiers capturés dans le cadre des opérations militaires. Chaque stalag est rattaché à une circonscription militaire gérée par le haut commandement de la Wehrmacht. Chaque camp est désigné par un chiffre romain, c'est ce que nous a lu Karine tout à l'heure, correspondant à la circonscription militaire à laquelle il appartient. La lettre majuscule indique son ordre de construction. Exemple 4C, ce camp se trouve dans la 4e circonscription et c'est le 3e camp par ordre chronologique. Prenons l'exemple du soldat de 2e classe Elio de Barba, né à Belluno, Trentin en Italie, en 1915, émigré à Saint-Étienne à l'âge de 12 ans, domestique agricole puis ouvrier mineur, naturalisé en 1937. Appelé aussitôt sous les drapeaux pour 2 ans, il est mobilisé dès la déclaration de guerre, fait prisonnier dans la ligne Maginot, enfermé au stalag 11B près de Hanovre et revient le 15 mai 1945 après 7 ans d'absence. Deuxième catégorie, les déportés raciaux dont l'arrestation, l'enfermement puis la déportation résultent des lois anti-juives prises par le gouvernement de Vichy, soi-disant État français, les statuts des Juifs du 3 octobre 40 et du 2 juin 41. Il faut rappeler que l'internement, qui commença pour les Juifs étrangers dès 1939, fut confirmé par l'armistice. Prenons quelques exemples pour la Loire. En juin 41, quelques exemples de mesures qui découlent de ces statuts. En juin 41, l'aryanisation des biens juifs. En février 42, on relève 65 assignés à résidence à Saint-Just-en-Chevalet, 62 à Saint-Alban-les-Eaux. Le 26 août 1942, 71 sont arrêtés dans la Loire, dont Suzanne Chégerin, qui a écrit une partie de ses mémoires. Enfin, les rafles, notamment les rafles du 14 mars 43 et du 25 mai 44, veille du bombardement. Ensuite, les prisonniers enfermés dans les camps de concentration, les Concentration Lager, dont le nombre augmente avec la répression, visant les actes de résistance, donc ceux-ci sont plutôt arrêtés à partir de 1942. Mais il peut s'agir aussi de criminels de droit commun. Ensuite, les déportés du travail obligatoire, dit STO, Service du travail obligatoire, des jeunes Français utilisés comme main-d'œuvre par l'Allemagne avec la complicité du gouvernement de Pétain. Au départ, on parlait de volontaires jusqu'en septembre 1942. Ensuite, le service devient obligatoire et surtout à partir de janvier 1943 avec ce que j'appelle justement le service du travail obligatoire. Service du travail obligatoire qui va concerner les classes 1920, 1921 et 1922. Il faut enfin ajouter les internés, politiques et syndicaux, arrêtés par mesure administrative, c'est-à-dire sans jugement préalable, dès l'automne 1939. Il y en a eu plus de 1000 dans le département de la Loire. La plupart sont restés derrière les barreaux quelques mois, mais certains, pour des motifs politiques, sont restés plusieurs années, parfois sont morts en prison. La plaque qui est sous le péristyle de la Bourse du Travail évoque par exemple le cas de Marcel Berne, ou pris en otage, ont été déportés et sont morts en déportation. Et nous allons commencer l'évocation des parcours par celui d'un interné politique, justement, appelé à jouer un grand rôle dans la Loire après la guerre. Il s'agit de Marius Patineau. Karine, tu vas nous lire son parcours. Marius Patineau est de retour parmi nous. Hier matin, vers 11h, la porte de notre rédaction s'ouvre et nous avons la surprise et la joie de voir entrer notre camarade Marius Patineau. C'est un nouveau revenant des geôles de la Gestapo. Les travailleurs stéphanois recevront avec joie Marius Patineau, ancien secrétaire régional du Parti communiste de la Loire, secrétaire du syndicat des métaux de Saint-Étienne, secrétaire de l'Union syndicale des métaux de la Loire, membre de la commission exécutive de l'UD, rédacteur au Cri du Peuple. Nous lui demandons de nous raconter son odyssée. J'ai été arrêté en octobre 1939 à la suite d'une réunion syndicale. Mis à la prison de Saint-Étienne, interné successivement à la prison de Clermont-Ferrand et à la maison d'arrêt de Riom, à la centrale de Riom, à la prison militaire de Mauzac en Dordogne et enfin à la prison militaire de Bergerac. J'ai été condamné à 5 ans de prison à Clermont-Ferrand le 10 mai 1940 pour reconstruction d'organisations dissoutes et propagation des mots d'ordre de la 3e internationale. Il s'évada enfin de Bergerac le 31 juillet 1944 et participa à la libération de Ribérac et de Castillon. Vas-tu retrouver ta famille ? Mon père, un vieil ouvrier de Saint-Chamond, est mort en 1942. Mon frère aîné, longtemps en camp de concentration, est également décédé. Mon jeune frère est prisonnier en Allemagne. Nous devinons avec quelle émotion il a dû retrouver sa mère et sa femme après tant d'épreuves et de deuils. Marius Patineau nous quitte. Un de plus parmi les militants de notre parti qui a failli payer de sa vie sa fidélité à la France. La libération retrouve Patineau plus résolu que jamais à poursuivre implacablement la lutte pour la victoire, pour que notre peuple vive fort et heureux. Merci Karine. Ce texte que tu viens de nous lire est extrait d'un article du Cri du Peuple du 30 septembre 1944 qui nous montre que la libération des emprisonnés a commencé dès la libération proprement dit du territoire. Mais là, il s'agit d'emprisonnés sur le territoire français. Marius Patineau est un dirigeant syndical et politique. Il a été un acteur important de la grève de la manufacture française d'armes de cycle, c'est-à-dire Étienne Mimard, en 1937. Il a été arrêté en vertu du décret du 26 septembre 1939 qui visait les membres d'organisations liées au Parti communiste. Le texte, qui est un peu une mise en scène, il faut le dire, dit bien la trajectoire qu'il a suivie. On parle d'Odyssée, avec un long séjour en prison. Au-delà des souffrances personnelles qu'il a endurées, le plus important vient à la fin de l'article où on le décrit comme plus résolu que jamais à poursuivre implacablement la lutte pour la victoire. Il s'agit de montrer au lecteur que l'épreuve a forgé le caractère d'un dirigeant qui sera digne de prendre la tête de la fédération départementale, d'un parti communiste qui veut se présenter comme le parti de la résistance. Remarquons que cet interné politique, arrêté en octobre 1939, est libre en septembre 1944, alors que son jeune frère, soldat mobilisé, est encore prisonnier en Allemagne. Alors que la Loire et une grande partie de la France viennent de retrouver la liberté, on nous rappelle qu'à cette date, la guerre n'est pas encore terminée. Je voudrais dire enfin que ce texte souligne le retournement qui se produit à ce moment. Les politiques sont devenues plus importantes que les prisonniers de guerre, mais on en reparlera. When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends. And some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow. Les amants étaient chez moi, ils me disent signe-toi, mais je n'ai pas peur. J'ai repris mon âme. Vous êtes bien sur Radio Duo 89.5 dans l'émission du Grémos consacrée au retour des emprisonnés de guerre au printemps 1945 et vous venez d'écouter la chanson The Partisan interprétée en 1969 par Leonard Cohen. Il s'agit d'une reprise de la complainte du partisan écrite en 1943 avec des paroles d'Emmanuel Dastier de la Vigerie et une musique d'Anna Marly, française d'origine russe. Tous deux étaient résistants. Caroline, tu vas nous présenter maintenant les cas de deux prisonniers de guerre. Premier prisonnier, voilà. Albert Patouillard, qui est né le 1er octobre 1918 à Saint-Julien-en-Jarez, c'est-à-dire à Saint-Chamond, qui fut élève au lycée Claude Lebois, avant d'être embauché au bureau d'études Fivliv à Givors. Il peut être rangé dans la catégorie des résistants gaullistes. Il a été appelé au 508e régiment cuirassé de Lunéville. Caporal, il a appris à piloter les chars et le 30 avril 1940, il rejoint la 8e division cuirassée créée par le général de Gaulle. Il est fait prisonnier. Enfermé dans un frontlag, il traversa la Belgique à pied, c'est ce que nous disait Jean-Michel tout à l'heure, pour Trèves, puis Stettin sur les bords de la Baltique, dans le stalag 2D, dit « camp de la pomme de terre », car dans ce stalag, 80% des commandos étaient affectés à des tâches agricoles. Il comptait 25 200 hommes en novembre 1941. Albert Patouilla réussit à s'évader et rejoint Stettin, puis Berlin et Cologne, où il fut arrêté. Après 2 mois de cellule, il fut envoyé à Ravaruska, un camp disciplinaire connu pour sa dureté, entassement, soif, faim, baraque sans lumière. Il fut finalement rapatrié fin 1943, peut-être bénéficiant de mesures de la relève. Il a été rapatrié par Paris, Rouen, Mably, et ensuite il a repris son travail chez Fivliv à Givors. Après son retour, début 1944, il a été contacté par un compagnon d'évasion et peut-être qu'il a participé à des actes de résistance. Oui, il a même apparemment caché transporté des armes, des faux papiers, des faux billets qui avaient été parachutés par les Anglais. C'est ça, c'est ce que nous donne son témoignage. Mais il n'a pas été repris il n'a pas été emprisonné comme d'autres prisonniers évadés puis résistants. Donc le deuxième que tu vas nous évoquer dans quelques secondes. Tout à fait. Donc le deuxième exemple. Alors le deuxième exemple, donc, c'est celui du futur maire de Saint-Étienne, Joseph Sanguedols, qui est mobilisé le 8 juin 1940 au 5e régiment de génie du chemin de fer à Versailles, qui a raconté son parcours dans son livre de Saint-Étienne à Dachau. Le 14 juin 1940, j'étais pris avec mon régiment par les Allemands près d'Étampes, alors que l'on battait en retraite. Dirigé sur Drancy puis au Stalag 7A et 7B, d'où je m'évadais en mars 1941. Repris près de la frontière, il était libéré le 16 juin 1941, bénéficiant de la loi Scapini, qui permettait donc la libération des aînés de 5 enfants dont le père était décédé, ce qui était le cas de Joseph Sanguedols. Militant des jeunesses communistes avant la guerre, Sanguedols s'engagea dans des actions de résistance à son retour. Le 21 juin 1943, lors d'un contrôle de police inopiné à Saint-Étienne, il était trouvé en possession de tracts, interné à la prison de Bellevue, puis à celle de Saint-Paul à Lyon. Il fut condamné le 18 octobre 1943 à 5 ans de prison et envoyé à la centrale d'Ess dans le Lot-et-Garonne, où il resta de décembre 1943 à février 1944. Ayant pris part à l'insurrection de la centrale le 18 février 1944, il fut envoyé au camp de Compiègne le 30 mai, puis déporté à Dachau. Après la libération du camp le 30 avril 1945, il fut évacué le 23 mai et arriva à Roche-la-Molière début juin 1945. Merci Caroline de nous avoir présenté ces 2 cas de soldats faits prisonniers en rappelant que certains ont tenté l'évasion et de 2 types de camps. Si tu permets Karine, j'aimerais ajouter le cas d'un autre futur maire de Saint-Étienne présenté dans le Patriote du 15 mai 1945, il y aura 80 ans demain. C'est le cas donc de l'avocat de Fraissinette pour lequel... Nous avons un article qui nous dit « L'avocat de Fraissinette est sur le chemin du retour. Nous apprenons aujourd'hui une heureuse nouvelle. Notre ami Alexandre de Fraissinette, l'avocat bien connu à Saint-Étienne, qui a été arrêté par la Gestapo dans des conditions mystérieuses en 1943 et déporté en Allemagne, se trouve maintenant sur le chemin du retour. Un télégramme adressé à sa famille annonçait ce matin son rapatriement par avion. De Freycinet fut incarcéré quelque temps à Buchenwald. De là, il fut expédié sur les camps de représailles. Et jusqu'à ce jour, nous étions fort inquiets sur son sort. On devine avec quel soulagement nous avons accueilli cette nouvelle. Donc, article paru dans le Patriote du 15 mai 1945. Intéressant le cas de Freycinet parce qu'il nous montre que même si les conditions mystérieuses sont on évoque des conditions mystérieuses, mais en fait on sait que c'est un, il était une sorte d'otage pris par la Gestapo à la suite d'un attentat dans Saint-Étienne et donc il a été déporté. C'est un otage symbolique puisqu'il a été l'avocat de la CGT, notamment lors de toutes les personnes qui ont été licenciés de la manufacture de Mimar après la grève de 1937. Donc il était très, très bien vu, notamment par le Parti communiste. C'est pour cette raison qu'on trouve cet article dans Le Patriote. Son retour aussi est intéressant. Son retour est intéressant parce que lui, il revient en avion. Donc ça aussi, il y a des personnes qui sont un peu plus... Il y a toute quantité de cas de figure. Il y en a qui sont rentrés à pied, il y en a qui sont rentrés en camion, il y en a qui sont rentrés en train. Enfin bref, c'est très varié et ça explique aussi qu'on peut faire quelquefois des amalgames un peu faciles. Alors, il y a un autre cas que j'ai évoqué en introduction. Maintenant, c'est celui des requis du service du travail obligatoire. Alors, je rappelle qu'à l'automne 1942, le gouvernement de Laval décida, sous la pression de l'Allemagne, mais Laval avait lui-même affirmé qu'il souhaitait la victoire de l'Allemagne, décide donc d'imposer le départ à des ouvriers spécialisés. Plus ou moins spécialisés, puisqu'on verra que certains n'étaient pas du tout ouvriers au départ. Mesure est présentée comme une relève. Les ouvriers sont destinés à... plus les ouvriers qui partent vont permettre le retour de prisonniers, parce que la question des prisonniers et l'attente, c'est aussi un objet de marchandage entre, de monnaie d'échange entre Vichy et Berlin. Et puis, c'est un thème que Vichy a mis en avant depuis le début. Hein, parce que on sait que les prisonniers avaient, tous les soldats en général, avaient une admiration sans borne pour le maréchal Pétain. Et c'est encore vrai en 1942-43. Alors, malgré tout, cette mesure va représenter un tournant dans l'histoire du régime de Vichy. Et d'ailleurs, une manifestation contre le départ est organisée à Firmini le 30 décembre 1942. Mais un premier convoi part le 6 janvier 1943, non sans un certain nombre d'incidents. Des tracts sont distribués. Les cheminots font des mouvements de grève un peu brusques. On connaît le cas d'un personnage qu'on a évoqué il y a un an maintenant, je crois l'année dernière, Camille Pradet, qui lui aurait dû être de ce départ et qui est parti et s'est enfoncé dans la clandestinité et est parti rejoindre les premiers maquis qui se constituaient en Haute-Loire au début de 1943. Alors, manifestation, mais pourtant pour la presse pétainiste, hein, pour le quotidien catholique Le Mémorial, les départs pour l'Allemagne se sont effectués dans le plus grand calme et avec une discipline exemplaire. Alors bientôt, cette relève volontaire devient obligatoire, donc à partir du début de 1943, elle concerne les classes 1920, 1921 et 1922. Et Caroline, tu vas nous présenter le sort d'Albert Cellier qui va nous montrer que, en fait, d'ouvriers spécialisés, on en était fort loin. Alors, on était en effet très loin de l'ouvrier spécialisé, puisque Albert Cellier est à l'époque jeune instituteur qu'il est même tout juste sorti de l'école normale, qui fut envoyé en camp de jeunesse dès sa sortie. Duquel camp il fut directement cueilli avec d'autres collègues grâce à une liste complète fournie aux autorités par un inspecteur d'académie pour partir en Allemagne directement. Après une visite médicale très sommaire effectuée dans les locaux de la Bourse du Travail, c'est le départ, le 29 mars 1943, avec des camarades d'Unio et de Firminy. Tous ignorent leur destination, mais un bruit court, on va en Autriche. Albert Sellier fut affecté dans une fonderie à Ebmaten. En septembre 1943, il arriva au camp de Krange pour travailler d'abord aux travaux du futur barrage hydraulique de la Drave. Donc là, excuse-moi, on est passé de l'Autriche à la Yougoslavie, que ça. L'Allemagne occupait. Donc Krange, c'est en Croatie ou en Slovénie, je ne me souviens plus. Slovénie. Donc voilà, on est dans un territoire occupé par l'armée allemande. Voilà. Et enfin, entre 1944 et 1945, il devient ouvrier dans une usine d'aviation, ce qui lui valut d'être silicosé. Finalement, il subit le même sort que les mineurs stéphanois. Dans les derniers jours de la guerre, les Allemands étaient de plus en plus soumis à la pression des partisans yougoslaves. Finalement, ils partirent au matin du 10 mai 1945. La foule envahit les rues au cri de « Vive Tito !» et au bruit des tirs en l'air. Les prisonniers STO sont libérés. Albert Sellier trouva refuge chez l'habitant avant de quitter finalement donc la Slovénie en camion de Ljubljana à Trieste, où il fut hébergé dans une caserne délabrée. Il fit ensuite escale à Venise, où tout était gratuit pour les prisonniers, même les gondoles. Il rejoint Bolzano dans un camion américain, puis la Suisse grâce à la Croix-Rouge, et enfin la France, Annemasse, Lyon, où il fut accueilli au centre d'accueil de Perrache, avant de retrouver Saint-Étienne. Alors pour le cas d'Albert Sellier, je crois qu'on peut vraiment parler d'une odyssée. Tout à fait. Hein, il est, alors d'abord, a été épique. On voit déjà le destin différent parce qu'on est dans une zone qui n'est pas l'Allemagne, qui est occupée par l'Allemagne. Et donc l'accueil des habitants n'est pas du tout le même vis-à-vis des prisonniers. Il y a une sympathie évidente. Même en Italie, d'ailleurs, hein, les gondoles sont gratuites. Donc, la variété des trajets, c'est pas très loin, finalement, la Slovénie de Saint-Étienne. Mais bon, il a fait quantité de modes de transport, camions, gondoles. Enfin, je sais pas s'il a fait un grand parcours. On ne sait pas s'il a fait de la gondole. Mais... De nouveaux camions, de trains, sans doute, entre Annemasse et Lyon. Voilà. Et puis aussi, on nous mentionne pour la première fois qu'il y a des centres d'accueil. Un centre d'accueil de Perrache. C'est ça, on y reviendra tout à l'heure. Mais je crois que tu voulais rajouter quelque chose à propos de cette affaire Sellier. Alors, en effet, j'aimerais que l'on prenne connaissance de la lettre que le recteur envoya aux élèves instituteurs le 25 août 1943. Elle est, à mon avis, révélatrice de l'état d'esprit des collaborateurs et des pressions sur des hommes encore très jeunes. Karine, peux-tu nous en lire quelques passages significatifs ? Oui, je vais vous lire ça. Monsieur, avant vous, depuis des générations, vos pères, vos aînés ont fait à la patrie le sacrifice de plusieurs années de leur vie. Ils l'ont consenti sans défaillance et sans mesure, dans la paix comme dans la guerre, dans la monotonie de la vie de caserne ou dans l'exaltation du combat, parce que leur sens de l'honneur, la conscience personnelle qu'ils avaient de leur devoir, leur fidélité à la patrie l'exigeait d'eux. Infime était le nombre qui, par égoïsme ou par lâcheté, se dérobait à la loi. L'opinion publique stigmatisait leur conduite et les enfants déserteurs portaient un nom déshonoré. Les circonstances ont pu changer. À bord d'un navire que bat la tempête, le péril n'autorise pas l'indiscipline. Il la rend au contraire plus criminelle. L'obéissance reste votre premier, votre essentiel devoir, la règle capable d'apaiser aujourd'hui votre conscience, d'assurer demain votre avenir. d'apaiser votre conscience parce qu'en vous rangeant aux côtés de 40 millions de Français soumis au seul gouvernement légitime et à l'héroïque chef de l'État, vous êtes certain de ne pas errer. Vous travaillerez sous son autorité à consolider la communauté nationale que d'autres affaiblissent, désagrègent ou mutilent. D'assurer votre avenir parce que le décret numéro 2009 du 15 juillet 1943, je cite, « exclut définitivement de toutes les facultés des et écoles d'enseignement supérieur public et libre les étudiants qui, astreints à l'accomplissement du service du travail obligatoire en vertu du décret du 24 février et du 31 mars 1943, se sont dérobés à, leurs obligations. Si donc d'insidieuses propagande tendait à obscurcir en vous la voie de l'honneur et de la raison, le souci de vos propres intérêts doit suffire à vous guider dans le droit chemin. Répudier vos devoirs serait ruiner votre carrière, vos projets, vous jeter dans une poignée d'égarés, dans l'aventure et la révolte. Vous n'en sortirez, quoi qu'il arrive, que méprisé des humbles, ces serviteurs du pays, but à la rancune des chefs de famille que votre carence appellerait à se substituer pour vous. Vous resterez donc dans la voie qui n'a cessé de jalonner notre drapeau, cette voie héroïque et douloureuse qui gravit le peuple de France et qui lui permet d'émerger peu à peu de la détresse et de l'effacement. À beaucoup d'entre vous, il est pénible, je le sais, que cette route passe par l'Allemagne. Soyez fiers plutôt quand votre personne, la France, retrouve ses chemins du continent d'où la défaite l'avait bannie. L'amitié de vos maîtres et la sollicitude de vos chefs vous y suivront. Vous allez acheter par votre travail le droit de contribuer à modeler le nouveau visage de l'Europe et vous pouvez nourrir l'espoir de lui infuser votre esprit. Je fais confiance à votre loyauté et de cette université où nous attendrons votre retour, je vous salue, messieurs, comme un messager du travail et de la pensée française, le recteur de l'Académie de Lyon, André Gain. Caroline, ce texte inspire beaucoup de réflexions. Alors, en effet, la culpabilisation des jeunes qui, contrairement à leurs aînés, n'ont pas encore fait le don d'une partie de leur temps au pays, car en 1940, il n'y a plus d'appel sous les drapeaux. La complète adhésion aux thèses collaborationnistes. L'Allemagne a gagné la guerre, il faut gagner sa sympathie. Vous avez acheté par votre travail le droit de contribuer à modeler le nouveau visage de l'Europe, qui renvoie à la célèbre affirmation de Laval dans son discours du 22 juin 1942 « Je souhaite la victoire, je cite, de l'Allemagne ». La résistance se fourvoie, deuxième aspect, d'insidieuses propagandes tendaient à obscurcir en vous la voie de l'honneur et de la raison. Enfin, peut-être surtout des menaces d'exclusion et un chantage odieux. Répudier vos devoirs serait ruiner votre carrière. Oui, et le ramener à la honte qui pesait sur les déserteurs pendant la Première Guerre mondiale, c'est vrai que c'est un texte qui est très lourd et on comprend que des jeunes gens de 20-21 ans... Et eu du mal à aller contre cette pression. C'est une pression, très lourde pression morale exercée sur ces jeunes gens. Voilà. Enfin, Caroline, il faut évoquer aussi le sort des déportés raciaux, dont on ne découvre vraiment l'atroce réalité qu'à la fin 1944, avec le camp de Majdanek, et surtout au début de l'année 1945, avec l'ouverture du camp d'Auschwitz, on en a parlé il y a quelques semaines. Tu nous présentes maintenant le cas d'une jeune fille. Alors oui, une jeune fille qui est connue à Saint-Étienne sous le nom de Jeannine Silberberg. Elle est née Jeannine Dreyfus le 21 octobre 1925 à Strasbourg. Son père était boucher. Elle avait une sœur de 2 ans, sa cadette. Après l'invasion allemande, sa famille se réfugia d'abord à Sainte-Marie-aux-Mines, dans le Haut-Rhin, avant de rejoindre le Jura, puis Moron-les-Bains. C'est dans cette ville que, le 25 mai 1944, à l'aube, deux miliciens et deux gestapistes firent irruption dans l'appartement familial, enfermé dans les caves de la mairie de Moron. Donc toute la famille a été enfermée dans les caves de la mairie de Moron-les-Bains avec d'autres familles juives, puis transportée à la caserne de Grouchy à Saint-Étienne. La famille Dreyfus fut embarquée dans un train pour le camp de Drancy le 26 mai, soit quelques minutes avant le bombardement de la ville. Le 30 mai, donc à Drancy, après un appel nominatif, eh bien, la famille Dreyfus fut conduite à la gare du Bourget pour le convoi 75. Elle fut entassée dans un wagon à bestiaux avec 85 autres personnes. Après 3 jours et 3 nuits de voyage, elle arriva à Auschwitz sans savoir ce que cela signifiait. En octobre 1944, elle fut transférée à Bergen-Belsen. Et elle déclara à Nathalie Forissier, qui est l'auteur du livre sur la déportation dans la Loire, « Là, il n'y avait même plus besoin de chambre à gaz pour nous tuer, puisque on ne nous donnait rien. Nous avons été même contraintes de manger de l'herbe cueillie sous les sapins. Puis nous avons été affectés à une usine d'aviation près de Magdebourg, où nous travaillions auprès de civils allemands. Un jour qu'ils se restauraient, ils me donnèrent leurs épluchures de pommes de terre. » Ça en dit long sur les conditions de survie et la solidarité. Ensuite, elle fut transférée en avril 1945 au camp de Theresienstadt, où elle fut libérée le 10 mai par l'armée rouge, rapatriée par la Croix-Rouge le 4 juin 1945 à Saint-Étienne. Elle revint seule, ses parents furent gazés à leur arrivée et sa sœur mourut à Auschwitz. On peut dire quand même que c'est significatif des caractéristiques de cette Seconde Guerre mondiale que des femmes soient prisonnières. Alors Caroline, sait-on comment se déroule concrètement le retour des prisonniers ? Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors oui, en effet, il faut s'intéresser au retour des prisonniers à Saint-Étienne et dans la Loire et des conditions dans lesquelles ils sont accueillis. Ces prisonniers arrivent souvent à Saint-Étienne par le train, donc ils arrivent à la gare de Château-Creux. Il faut le rappeler, en 1945, Château-Creux est un quartier qui a été dévasté l'année précédente par le bombardement du 26 mai 1944. Donc ces prisonniers arrivent dans une ville qu'ils ont sans doute beaucoup de mal à reconnaître puisqu'elle a été dévastée par un bombardement. Donc dès la sortie de la gare, sur l'avenue d'Enfer-Rochereau, on va trouver d'abord le centre d'accueil des prisonniers de guerre et des déportés, où siégeait l'association départementale des prisonniers de guerre dans un bâtiment qui fut construit en 1886 à l'angle de la rue du Gris de Lin et qui abritait auparavant l'ancienne grande brasserie de la gare. C'est une maison élevée sur cave avec un rez-de-chaussée, un premier étage et qui fait l'angle donc avec cette rue du Gris de Lin. On peut peut-être dire à nos auditeurs qu'on peut voir la photo sur le site internet. Du Grémos, voilà, une très belle photo du fonds Léon Lefort des archives municipales. Sur ce bâtiment, on trouve une grande pancarte sur la façade qui indique Mouvement national des prisonniers de guerre et déportés, centre d'accueil, centre d'entraide, Saint-Étienne. C'est l'un des premiers lieux d'accueil. Ensuite, lorsqu'on se dirige vers le centre-ville, il faut se mettre dans la maison du prisonnier. dans la peau d'un prisonnier, effectivement, on trouve la maison du prisonnier de guerre qui se trouvait 10 avenue de la Libération, où on remettait aux prisonniers un feuillet d'accueil qui les accueillait ainsi. « Chers camarades, nous te souhaitons les bienvenus et associons à la joie des Français celle de tes frères de captivité. La maison du prisonnier est ta maison. Elle est là pour te servir et te renseigner. Dans ton intérêt, tu dois y venir pour faciliter les demandes. Tu dois avoir les papiers suivants. Prisonnier de guerre, fiche de démobilisation et carte de rapatriement. Déporté politique, carte de rapatriement. Déporté du travail, carte de rapatriement et si possible couverture de l'ancienne carte d'alimentation et certificat de retrait qui t'a été remis à ton départ. Prisonnier ou déporté, toi qui rentres de ce pays que nous avons eu le bonheur de quitter avant toi, dis-nous que tu es satisfait de l'accueil que tu as reçu à la maison du prisonnier et dis-nous aussi tes critiques et tes suggestions. Ah, comment sont pris en charge les prisonniers ensuite ? Je crois que il y a une brochure qui a été faite par la Maison des prisonniers. Et on va peut-être demander à Karine de nous lire l'introduction de cette brochure. Alors, l'introduction de cette brochure commence comme ça. Le Conseil départemental des médecins de la Loire est heureux d'informer les prisonniers de guerre qu'ils peuvent, dès leur retour, bénéficier d'une visite gratuite chez un médecin de leur choix. Ils devront se munir d'une carte de prisonnier et de déporté. Finalement, les renseignements généraux par cette brochure semblaient reprendre les conditions d'accueil réservées à tous les prisonniers en France. Par exemple, la Banque de France rembourse jusqu'à 100 marks sur présentation de la carte de rapatrié. L'épouse ou à défaut les parents du prisonnier peuvent prendre leur congé annuel de plus de 8 jours sans solde. Le transport est gratuit depuis le centre mobilisateur jusqu'au domicile du prisonnier. Le prisonnier doit retourner chez son employeur où son salaire est garanti pendant 6 mois. S'il ne peut pas reprendre son emploi pour une raison majeure, la maison du prisonnier se chargera de lui en trouver un autre. Enfin, la maison du prisonnier délivre des bons pour une décade de tabac. Bon, on voit les conditions concrètes. C'est quand même aussi... D'abord, il y a une intention de contrôle quand même. Il faut avoir les cartes de rapatriement, c'est-à-dire qu'au départ des camps, on donne une carte aux prisonniers. C'est une façon d'éviter aussi que certaines personnes indésirables, fidèles du régime nazi, ne cherchent à échapper à la justice. Donc il s'agit de contrôler un peu, de trier les personnages. Alors il y a des différentes instances qui vont accueillir les prisonniers, Caroline, et est-ce qu'on peut identifier les rôles qu'elles jouent chacune ? Alors chaque instance a un rôle bien particulier. Par exemple, la maison du prisonnier va distribuer des bons de tabac, elle centralise les informations et les messages comme celui-ci. Le prisonnier stéphanois, de retour de Russie, ayant donné des nouvelles de Mazno Johannes de l'Orme, est prié de vouloir bien donner des précisions à Madame Mazno, 4 cours marins à l'Orme. Il faut bien imaginer que la communication est beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui. Il n'y a que la presse. Patrons et artisans doivent organiser le reclassement des ouvriers du département. La Croix-Rouge, quant à elle, assure les soins dentaires et gère une maison de repos. La ville de Saint-Étienne distribue une carte d'alimentation, une carte de textile, une carte d'inscription chez les commerçants. Il faut bien se remettre dans le contexte de 1945. Le ravitaillement et le rationnement est toujours de mise. La ville vérifie les listes de travailleurs déportés, sauf pour l'arrondissement de Rouen, où une maison du prisonnier existe. Le secrétariat social gère les demandes de textiles, de pneus, les tickets de tram pour les prisonniers de guerre de Saint-Étienne et de sa banlieue. Le bureau militaire gère les soldes, les demandes de réforme, les primes de combat. Plein de choses concrètes en fait, qui montrent qu'effectivement, comme tu l'as suggéré, on rentre dans un pays où il y a la pénurie, le rationnement, et qu'il faut que chacun puisse faire valoir ses droits et qu'il n'y ait pas de passe-droit, justement. Alors, il y a aussi, Caroline, je crois, des cérémonies qui sont spécifiquement dédiées aux prisonniers. Alors oui, dans le cadre de ce retour des prisonniers et de leur accueil, par exemple, le 7 juin 1945, on accueille le 1000e prisonnier. Donc il y a une cérémonie qui se déroule à la gare de Château-Creux et au centre d'accueil de l'avenue d'Enfer Rochereau. Ou encore, on peut parler du rassemblement prisonnier du 16 juin 1945 au Vélodrome. Donc ces deux événements sont des événements pour lesquels on conserve des photos aux archives municipales. Mmh. Et pour le rassemblement prisonnier du 16 juin 1945, nous avons reconnu sur les photos... Alors, dans le film, ce sont les photos qui sont incrustées dans le film. On n'a pas deux sources différentes, c'est uniquement ces photos. Mais sur ces photos, nous avons reconnu ensemble François Mitterrand qui représentait le mouvement national des prisonniers de guerre et des déportés. Et qui a commencé sa carrière politique au secrétariat aux prisonniers, justement. C'est ça. Juste un mot sur le 1000e prisonnier. Ça ne veut pas dire, évidemment, qu'il y a 1 million de prisonniers à Saint-Étienne. Non. Ça veut dire que cette cérémonie, elle a eu lieu dans toutes les villes de France. On ne savait pas lequel était, mais le 1000e prisonnier est arrivé. On rentrait ce jour-là, voilà. Exactement. Est-ce qu'on a des chiffres pour évaluer? Moi, j'ai parlé tout à l'heure de 1000 personnes qui ont été internées administrativement en 1939, mais pour toutes les autres catégories, est-ce qu'on a des chiffres? Alors, on trouve quelques chiffres. Pour le STO, d'abord, en 1943, le préfet Potu recense 11 800 hommes ligériens nés entre 1921 et 1923 pour l'office de placement allemand, dont la moitié fut exemptée ou déclarée inapte. D'autres encore ne répondent pas à l'appel. Et finalement, oui, c'est un peu plus de 6 000 hommes qui quittent le département de la Loire pour le STO. Pour la ville de Saint-Étienne, on compte environ 3 500 prisonniers de guerre. Enfin, dans le département de la Loire, 14 000 personnes furent victimes des mesures de répression et de persécution nazie. Alors ça, c'est un chiffre général qui n'implique pas forcément l'emprisonnement en Allemagne. C'est ça. Mais il peut y avoir emprisonnement dans les prisons françaises. Ouais. Il peut y avoir simplement aussi des arrestations sans suite. Enfin, bon. OK. Eh bien, on a fait à peu près le tour. Tu as bien signalé, Caroline, qu'il y avait des photographies qui étaient disponibles sur le site des archives municipales. Donc, il y en a sur le site du Grémos et d'autres sur le site des archives municipales. On va essayer de conclure, Caroline. Le retour des prisonniers est donc très différent de ce que chacun d'eux, dans la longue attente passée derrière les barreaux, et de ce que les Français soumis à l'occupation et au régime policier pouvaient imaginer. Alors, en 1940, on ne parlait que de prisonniers militaires. En 1945, on réalise que l'enfermement et l'emprisonnement a concerné une variété de situations et de souffrances, incluant les femmes, comme on l'a dit tout à l'heure. Ils reviennent en effet avec la mémoire de la souffrance endurée et découvrent Saint-Étienne dévastée par le bombardement, réalisant que la guerre est venue jusque dans leur ville. Quelque part, vont-ils prendre part à la reconstruction? On peut se poser la question. Ils reviennent dans une ville qui a élu un conseil municipal sans attendre leur arrivée. Les élections ont eu lieu le 29 avril et le 13 mai, et dans lesquelles figurent des absents. Dans le conseil municipal, on relève le nom de l'abbé Ploton et des femmes, nouveauté, Dora Rivière, qui est encore en camp au moment où a lieu le premier tour d'élection, Violette Maurice aussi. Ils reviennent sans le prestige des résistants qui ont participé à la libération du pays, et on comprend mieux pourquoi les associations de prisonniers et de déportés appellent à l'union. Il leur faut donc retrouver une place dans une société qui a changé sans les attendre, avec tous les souvenirs qu'ils remuent dans leur mémoire et qu'il leur est difficile de transmettre. Eh bien, Karine, à toi pour l'agenda. Voilà, on va passer à l'agenda. Donc, première information que je vous transmets, l'association Révéler ma colline vous propose deux visites guidées urbaines sur le thème du street art, le vendredi 16 mai à 15h et la seconde le samedi 24 mai à 10h. Le départ se fera place Anatole France, connue aussi pour certains sous le nom de place Badoulière. À partir du 16 mai, autre information, le musée de la mine vous invite à découvrir sa nouvelle exposition temporaire, Souvenir, Souvenir. Et au musée d'art et d'industrie, vous pourrez découvrir l'exposition Flash, Dessus, Dessous, sur le thème du tissage, qui sera présentée jusqu'au 18 mai. C'est pas loin de la place Badouillère. C'est exactement pas loin de la place Badouillère. Samedi 17 mai à 14h, Vincent Bonny présentera son livre « Rive de Gier, une ville face aux défis climatiques et urbains ». La rencontre se déroulera au local de l'ARRH, l'association ripagérienne de recherche historique, qui se situe 12 place Générale Valluy à Rive de Gier. Jeudi 26 mai à 18h30, aura lieu à la Maison du quartier du Soleil, 26 rue Bonnier, à l'occasion de l'inauguration de la plaque commémorative du camp Bonnier, une conférence sur les justes du département. Cette conférence sera donnée par Stéphane Nivet et elle sera suivie d'une séance de dédicace de son livre « Juste parmi les nations » qu'il a coécrit avec Sylvie Altard. Je vous annonce que dès la rentrée prochaine, nous vous proposerons, que le Crémos d'ailleurs vous proposera, des temps de parole citoyenne, d'échange et de partage dans le cadre des Cafés Crémos. Cette première rencontre se déroulera à la Cale le vendredi 19 septembre à 18h30 et nous échangerons sur le thème des jardins ouvriers. L'entrée sera libre et gratuite. C'est la fin de cette émission. Un grand merci à Caroline Costil et Jean-Michel Stenner qui étaient à mes côtés tout au long de cette heure consacrée au printemps des prisonniers. Amis auditrices et auditeurs, je vous donne rendez-vous pour la dernière émission de cette saison qui aura lieu le mercredi 11 juin 2025 à 18h. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle soirée sur les ondes de Radio Dio. Bye bye.